Nous avons là une compilation de clips vidéo qui ont été tournés lors du deuxième atelier de Ferment Lab au mois de mars. Dans la première partie, on voit les participants qui choisissent un des objets qui les entourent pour se présenter. Les participants proposent ensuite un objet dont ils pensent que le Ferment Lab devrait s'équiper pour se développer, pour se construire. Dans la troisième partie, on voit les participants qui, en accéléré, fabriquent des ferments. Et en dernière partie, les participants goûtent à différents ferments.